자, 좀 싫어. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, nous allons regarder le cinéma avec les oreilles, des musiques de films, des chansons de films, des bandes annonces. Et puis on parlera tout à l'heure de deux monstres du cinéma français. Vous le savez, Toiles et Sillons, c'est à la radio, mais c'est aussi sur son site internet toilesetsillons.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions à écouter en streaming sur le site, à télécharger ou bien à podcaster. Et on se retrouve aussi sur la page Facebook de l'émission, la page Toiles et Sillons. Vous cliquez sur j'aime et vous saurez tout des films que l'on écoute. On commence en chanson avec un film réalisé dans les années 70 par Peter Hunt. Peter Hunt à qui on devait déjà un James Bond au service secret de sa majesté. Il était cascadeur sur les premiers James Bond. Et en 1976, il réalisait Parole d'homme avec Roger Moore, Ian Holm et Lee Marvin. Et c'est Lee Marvin qui chantait la chanson du film O'Reilly's Daughter. Lee Marvin, Parole d'homme. On commence ce Toiles et Sillons avec lui. As I was a sitting in Riley's store, thinking I hadn't done what I oughter, should have thought of it before. Why not shag that old Riley's daughter? Giddy aye aye, what a girl to try, the daughter of a one-eyed Riley. What a jig, jig, jig, a jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. Jig, jig, jig, jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. Jig, jig, jig, jig. As I warmed up by O'Reilly's fire, getting up my steam on gin and water, I stoked up a big desire, eat it up for O'Reilly's daughter. Pity I, what a girl to try, the daughter of a one-eyed Riley. What a jig, jig, jig, a jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. Soon got her going full speed ahead, learned real quick every trick I taught her, how to push her out of bed. What a gal, that O'Reilly's daughter. Diddy aye aye, what a girl to try, the daughter of a one-eyed Riley. What a jig, jig, jig, a jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. Jig, jig, jig, jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. Jig, jig, jig, jig, jig, jig, jig, jig, jig. Then came a knock at the bedroom door. It was old Riley looking for slaughter. Two big pistols in his paws. Not the guy. Shagged his daughter. Ah! Kitty, I want a girl to try, the daughter of a one-eyed Riley. What a jig, jig, jig, a jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. I grabbed the old bastard by the head, dunked his head in a pail of water, shoved his guns up, you know where. Further up than I shagged his daughter. Kitty, I want a girl to try, the daughter of a one-eyed Riley. What a jig, jig, jig, a jig, jig, jig, what a jig, a jig she is. Jig, jig, jig, a jig, jig, what a jig, a jig she is. Lee Marvin et la chanson du film Parole d'homme en 1976. Entrons dans le vif du sujet avec une première bande-annonce, un film Netflix que l'on peut voir sur la plateforme depuis le 4 mai. C'est un film d'Andrew Niccol avec Clive Owen et Amanda Seyfried. Le film s'appelle Anon, c'est un thriller qui se déroule dans l'avenir où l'intimité est abolie et un enquêteur se penche sur le profil d'un tueur en série qui a été effacé de tous les enregistrements visuels. On va donc écouter la bande-annonce de Anon et on écoutera ensuite le thème du film composé par Christophe Beck. Hier soir, quand j'étais lancé à ses trousses, c'est là que ça commence. Elle modifie ce que je vois. L'escalier, il s'étire. C'était une illusion d'optique. Illusion qui ensuite a disparu de mes archives. Et c'est pas fini. Juste après, je vois un métro à l'arrêt sur le quai de la station. Un métro qui n'existe pas. Insérer une image en mouvement en temps réel. Qui peut pirater un être humain ? Comment on va faire pour la stopper ? On va faire ce qu'on fait toutes les victimes. On va l'embaucher. Que puis-je faire pour vous ? La fille n'était pas répertoriée, aucune empreinte numérique. Elle gagne sa vie en camouflant des liaisons secrètes. C'est une maîtresse de l'édition. Capable de remplacer ce qu'on veut plus voir dans nos archives. Le plus important, c'est qu'elle s'efface elle-même. Maintenant, c'est nos clients qui se font effacer. Un tel niveau d'anonymisation pourrait rendre tous les crimes possibles. L'anonymat, c'est l'ennemi. Quelqu'un tue mes clients en essayant de faire croire que c'est moi. Elle te manipule. Je ne suis pas en sécurité. Et toi non plus. On doit pouvoir croire nos yeux. Le système s'écroule. La voie est libre, vous pouvez y aller. On peut vivre dans l'anonymat. Effacer ta vie. J'entretiens son souvenir, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Tu pourrais regarder en arrière. Thank you. Juillet en septembre, c'est un film réalisé par le romancier Sébastien Japrisot en 1988, dans lequel on retrouvait entre autres Anne Parillaud. On vient d'entendre un extrait de la musique signée Éric Demarsan. Ces jours-ci va sortir sur nos écrans un film qui s'appelle Demi-sœur au pluriel, mais Demi-sœur au singulier. C'était un très joli film signé Josiane Balasco, sorti en 2013 avec Josiane Balasco elle-même, mais aussi Michel Blanc. On va écouter la bande-annonce de ce Demi-sœur de Josiane Balasco et puis ensuite un extrait de la musique qui était signée Christophe Julien. Et voilà, ils sont contents, ils existent, hein. Abrutis. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je veux voir mon papa. Même si dans sa lettre, mon père reconnaît explicitement l'existence de l'enfant, parce qu'il le dit bien, hein. Comment va la petite ? Il y a un délai de 28 ans pour une recherche en paternité, il est largement dépassé. Je veux rester avec toi. Oui, mais ça, c'est pas possible. Elle est où maintenant, ta maman ? Ça existait à l'époque, les préservatifs, merde. C'est quoi ? Prends ça, des sucrètes. Garde-moi ça 5 minutes. Voilà. On vous emmène votre sœur. Non, mais cette dame n'est pas ma sœur. Elles sont jolies, les sucrètes à too much. Mais c'est pas pour toi. C'est pour Paul. Il est bon, mon café ? Prends une affection. On va à la mer ! Allez, dépêchons ! Depuis quand t'as une sœur ? Eh ben, puis hier. Viens faire un bisou à mon fils. Il vous a proposé d'habiter avec lui ? Oui. Ça lui ressemble pas ? Parce que j'ai changé. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Hier, t'étais un type bien, mais c'était pas de ta faute. T'étais défoncé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, vous prenez vos affaires, vous partez. Bah, allez, enfin, tu prends. T'as dit qu'on se quittait plus jamais ? Qu'est-ce que vous comptez faire avec... Mais quelle sœur, quelle sœur ! Je t'aime, Paul. Quel cauchemar. Thank you. le réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder avec son compositeur fétiche Peer Raben. C'était un extrait de la musique du film Le Rôti de Satan, sorti en 1976. Le drapeau noir flotte sur la marmite est peut-être l'une des collaborations Jean Gabin-Michel Audiard les moins connues. C'est un film réalisé par Michel Audiard dans lequel on retrouvait aussi Ginette Leclerc. Victor, épicier et patron tyrannique, ne cesse de parler à sa famille de son passé de marin, bien que ceux-ci ne l'ont jamais cru. Lorsque son neveu gagne un concours de maquettes de bateaux et est chargé d'en construire un à échelle réelle, Victor va tenter de s'imposer comme le patron de la petite équipe. On va écouter tout à l'heure la musique du drapeau noir flotte sur la marmite signée d'un certain Georges Brassens. Mais avant, on va écouter un extrait d'une interview que vous pourrez retrouver en intégralité sur le site Toiles et Sillons, sur la page de l'émission du jour, où Jean Gabin et Michel Audiard, interviewés par Max Favalelli, évoquent leur carrière commune, comment ils ont débuté et comment ils se sont rencontrés. Alors, plongeons dans les souvenirs un peu. Ben attends, le premier film qu'on a fait ensemble, c'est Gaswell. Gaswell, oui. C'est Grangier qui nous a... Oui, c'est Grangier. Il y a combien de temps? Il y a plus de 15 ans, en tout cas. Ah oui, il y a plus de 15 ans. Il y a plus de 15 ans. Oui. Et à ce moment-là, Jean avait déjà fait, lui, tous ses films un peu importants, et moi, j'étais vraiment un débutant. Enfin, j'avais fait peut-être... Ah, t'avais fait des films avec une belle? J'avais fait des petits films policiers, des petites choses comme ça, et j'avais fait qu'un film, pas mal, c'est un film avec Jouvet, mais j'étais vraiment un auteur débutant. Jean, lui, avait déjà tout son palmarès. J'avais mon palmarès. Tu avais fait tous tes films de carnet, tout ça. Enfin, avant la guerre. Et c'est Grangier qui nous a mis en contact, parce que Grangier était pote avec Jean, le connaissait bien, avait déjà fait, je crois, un film ou deux, il le connaissait. Et moi, j'avais travaillé avec Grangier. Comment ça s'est accroché? Vous êtes bien accroché tous les deux? Mais lui, Grangier voulait que je fasse un film avec Gabin. C'était une idée, il m'a toujours dit. Ça, il n'a pas besoin de me le dire d'ailleurs. C'est une idée qui m'était vaguement venue tout seul depuis un certain temps. Mais tu sais, il faut aller. Les vedettes, comme on dit, il faut aborder, il faut une occasion de les rencontrer. Enfin, il faut un tas de conjonctures qui sont opportunes. Et je pense, Jean, que tu as trouvé dans les dialogues d'Audiard un langage qui t'allait très bien, enfin, que tu parlais naturellement. Oui, mais tu comprends, c'est pas parce qu'il est là. J'écoute. Non, mais il a du talent, tu comprends. Non pas parce qu'il écrit du dialogue comme ça, parce qu'avec lui, j'ai quand même fait les grandes familles de présidents, enfin des films de... Oui, je sais pourquoi, je dis où il n'y a pas du tout de... Ouais, ouais. Où il n'y a pas de... Non, mais bon, ça a marché, quoi. Puis il faut dire que Jean a toujours réussi admirablement au dialoguiste. Parce qu'enfin, il faut se souvenir, il y a eu Spack qui a bénéficié de Jean dans La Grande Illusion, énormément. Il y a eu ensuite Jean Sombre avec Pépé, qui a quand même été un film important, surtout sur le plan du dialoguiste. Et puis ensuite, il y a eu l'époque Prévert. Donc oui. On peut dire que Jean a toujours réussi à ses dialoguistes. Moi, j'en parle pas, ça m'a réussi, alors moi, ça m'a fait démarrer. Mais on a l'impression, là, d'une idylle parfaite, vous êtes en train de roucouler. Tous les deux sur votre divan. Oh, des fois, il me dégraine en douce. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est... Non, il me dégraine. C'est il me dégraine, puis il me met dans les papiers, en plus, on me prête des fois. Ah, dis. Bon, ah, mais cette idylle a été un petit peu... Pas orageuse, mais enfin, vous avez eu, comme dans toutes les liaisons, quoi, des petites brouilles. Pourquoi, c'est que Jean... Oui, tu vas voir, c'est pas... Non, tu vas voir, il va me faire porter le chapeau, Il est réputé. Lui, c'est une poignée de flotte, il arrive toujours à se tirer du truc, tu comprends? Il est réputé pour avoir un mauvais caractère, lui, tout le monde le sait. Moi, je passe pour avoir mon caractère, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Au fond, on a tous les deux un petit peu mauvais caractère. Thank you. Bonjour, vous écoutez Souhait le Matin. Faut qu'on parle de ce qui se passe à Chicago. La vidéo est devenue virale. L'homme au capuchon a été surnommé le bourreau. Et voilà qu'il vole des voitures. A-t-il raison de se substituer comme ça à la justice? C'est devenu un héros. Et comment était le tireur? Il avait l'air d'un blanc. J'aime ma famille. Mais lorsqu'elle a eu besoin de moi... 911, quelle est l'urgence? Des hommes sont entrés chez moi, ils sont là. Non! Je n'ai pas su la protéger. Papa, où est maman? Ceux qui ont fait ça sont là, quelque part. Mais vous ne pouvez rien faire, c'est ce que vous me dites. Si un homme veut vraiment protéger ce qui est à lui, je veux m'acheter une arme. Il doit s'en charger lui-même. C'est fermé, monsieur. Ça tue ma femme! Qui d'autre était là? Je sais rien de plus! Je crois, Joe. Alors, vous allez pas me tuer? Non. Mais Jack, oui. Tu t'es trouvé en pleine fusillade? C'est le gars de la crème glacée. Le gars de la crème glacée? Pour se rendre à l'école, faut travailler pour lui. T'es qui, toi? Ton dernier client. T'es pas un policier! Ou bien que quelqu'un le fasse! Que ça vous serait chargé à bloc. On verra. Ils disent que c'est un ange gardien. Il va sauver la vie. Vous avez l'air mieux. Vous sortez, vous voyez des amis? Pas tellement. Quoi que vous fassiez, n'arrêtez pas. D'accord, c'est promis. Thank you. C'est un remake du film Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, Death Wish, qui était le titre original d'Un justicier dans la ville. C'est une nouvelle version signée Eli Roth avec Bruce Willis et Vincent D'Onofrio. On vient d'entendre la bande-annonce du film et un extrait de la musique signé Ludwig Göransson. On va maintenant revenir un petit peu en arrière. On va aller dans les années 80 avec un film de Michael Hoffman qui s'appelle Soap Dish. Les distributeurs français l'avaient appelé la télé lave plus propre, comme quoi des fois ça manque un peu d'imagination. C'est une comédie avec Sally Field, Kevin Kline et Robert Downey Jr. On retrouve également Whoopi Goldberg dans cette comédie qui se passe dans les milieux des soap opéras. On va écouter la bande-annonce en version originale de Soap Dish et ensuite la musique signée Alan Silvestri. Celeste Talbert had it all. He has so many people to thank. I hate her so much. Beauty, fame, love. That's a cut. But her life... Next time, could you wear a swimsuit underneath the towel? ...just turned into one big soap opera. They're plotting against me every day, all day long. There's the greedy actress. I cannot be the villain forever. I'm sweet. I'm tender. I'm a victim. The sex star producer. You do want me, don't you, David? In the weirdest way. And you know what you have to do. I murder some homeless girl? Are you nuts? One weaked out writer. I will just say Maggie went to Tibet to visit the Dalai Lama, spiritual thing. I thought the Dalai Lama moved to L.A. Well, then some other Lama then. Doesn't matter. Fernando Lama, come on. And the most brilliant actor alive. Rod Randall comes back from Vienna? So he wasn't killed. He was maimed. The guy was decapitated. They froze the head. How am I supposed to write for a guy that doesn't have a head? All right, well, we haven't figured that out yet. Well, who plays it? Close, Celeste. Maybe I should have sent a memo. Things are hard for me right now, in life and on the show, okay? Things were hard for me 20 years ago when you spat me out and left me for dead. At last, drama. Ah! Help me! You're kidding. You're an egomaniac. Of course I'm an egomaniac. I've got America's sweetheart climbing up my drain pipe. It's a story of jealousy. If I hurt you, I'm really sorry. I was very young. Not anymore, babe. Lust. Yummy. With a spoon. And family reunions. I'm carrying his child. One more date, we would have had a Greek tragedy on our hands. Where a nervous breakdown. No! I didn't sleep with her. Will somebody please believe me? No! Is all in a day's work. Now this I don't is want a you show. You're crazy. Yeah. You're nuts. Now why can't I write stuff like this? Sally Field. I don't think you realize how serious this operation is. Please. You will not have a brain when it is complete. I don't want my brain. I don't need it. Take the thing. Gone. Kevin Kline. You try playing Willy Loman in front of a bunch of old twits eating meatloaf, chewing and slurping and spitting out their pits. Whoopi Goldberg. You know, I would think you were acting, but you've never been this good. And Robert Downey Jr. I'm gonna seriously review this relationship. In Soap Dish. There's a nurse in the restaurant. Did I miss a meeting? Thank you. une comédie américaine signée George Sherman, co-réalisée par Giuliano Carnimeo, un Américain à Rome, Panic Button en version originale avec Maurice Chevalier et Jane Mansfield. On vient d'entendre un extrait de la musique du film signé George Garvarentz. On va maintenant revenir plus près de nous, une comédie qui est sortie il y a quelques semaines qui s'appelle La mort de Staline avec Steve Buscemi entre autres. Une comédie autour donc de la mort de Staline. Que faire alors que le petit père des peuples est décédé? On va écouter la bande-annonce en version originale et puis ensuite un extrait de la musique signé Christopher Willis. Should we investigate? Should you shut the fuck up before you get us both killed? Stalin's dead. He's dead. Stalin is dead! Oh my God. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, he's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. No problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me. Stalin would have wanted the committee as one. All those in favor carried unanimously. We need change. Well, let's see who can mobilize first. Oh, seems to be me. Sneaky little shit. The race has started. We need to start putting together a plan. How can you run and plot at the same time? I have no idea what is going on. I'm the peacemaker and I'll fuck up anyone who gets in my way. Come on! Play better, you flattering fannies! Get it! Give it! Hit it! Shoot her before him, but make sure he sees it. Kill him, dump him in the pulpit, and I'll leave the rest up to you. We have to act. I really need your help. I'm going to have to report this conversation. Threatening to do harm or obstruct any member of the Presidium in the process of looking at your fucking face. I took Germany. I think I can take a flesh lump in a waistcoat. No matter what happens, I will never let any harm come to you. I may as well just shoot myself like mother. Jesus Christ. Did Coco Chanel take a shit on your head? No, he did not. Stalin won't be loving this. I'll take it from here. Good luck, ladies. You know, all of you can kiss my Russian ass. Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise you. La saga des 7e compagnie était réalisée par Robert Lamoureux dans les années 70. Le premier des trois films est sorti en 1973. Mais où est donc passée la 7e compagnie? On a écouté un extrait de la musique signée Jean-Pierre Bourterre. Et nous voici arrivés à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. En attendant, vous le savez, le site internet toilesetsillons.fr pour retrouver toutes les émissions à écouter en streaming sur le site, à télécharger, ou bien vous pouvez vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que sur le site internet, vous retrouvez l'intégralité des interviews dont nous passons des extraits. Aujourd'hui, vous retrouverez toute l'interview Gabin-Audiard en vidéo. Et on se retrouve aussi sur la page Facebook de l'émission. La page s'appelle Toiles et Sillons. Ce sera un des blockbusters de l'été. Mission Impossible 6. Mission Impossible Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie avec, bien sûr, Tom Cruise, mais aussi Henry Cavill. Une grande partie du film se passe à Paris et la bande-annonce est époustouflante. On va l'écouter, cette bande-annonce. Et puis ensuite, ce sera un extrait de la BO du film. Je vous laisse avec Tom Cruise et Mission Impossible Fallout. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Mission Impossible Fallout. Il ne peut y avoir de paix sans d'abord une grande souffrance. Plus la souffrance est grande, plus la paix est grande. La fin que vous avez toujours redoutée est proche. Elle est proche. Et c'est vous qui aurez les morts sur la conscience. J'ai prié pour que ce ne soit pas vrai. Salomon Lane s'est évadé à Paris. Et maintenant, le monde est en danger. C'est la mission de la CIA. Vous utilisez un scalpel? Je préfère un marteau. C'est pas une bonne idée. C'est pas ce qu'on dit à chaque fois, honnêtement. Il n'est pas là que pour observer. C'est un tueur. Je mets confiance qu'en vous trois. Si vous dérapez, il est autorisé à vous tuer. Ce sont les ordres. Sans rancune. Tu es où, Benji? Prends à gauche! Allez, vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble! Ah, pardon, bonne chance! Quand le vent va tourner, Ethan Hunt perdra tout ce qu'il a aimé. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Tu ferais mieux de t'en aller. S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi. Ça ne nous ressemble pas, Ethan. Peut-être qu'il est temps que ça change. Acceptez-le, Ethan. Ce qui est fait, c'est terminé. C'est terminé quand nous décidons que c'est terminé. C'est parti. Oh mon Dieu. Mission Impossible, Fallout, au cinéma le 1er août.